Section 22 de La femme cachée par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. L'habitude. Elles se brouillèrent comme elles s'étaient liées, sans savoir pourquoi. On peut cependant tenir pour certain que Jeannine révéla à des tiers, avec de trop grands éclats de gaieté, le véritable prénom d'André, qu'une grand-mère avait sous le baptême nommé Symphorienne. Une autre version affirma qu'André, exagérant maladroitement son autorité d'aînée et de brune à belle carrure, donna à Jeannine le signal du départ, une après-midi, devant 20 tasses de thé et autant de verres de Porto, en la sifflant, comme elle sifflait ses chiens, au bois. Équitable pour une fois, les amis incertains blâmèrent ensemble Jeannine et André. On n'est pas sûr qu'André ait sifflé Jeannine, mais ses façons de jarretier lui ressemblent fort. Cette sotte de Jeannine est celle à organiser elle-même son esclavage, pour le sadique plaisir de pleurnicher d'humiliation après. Brouillées, elles portèrent dignement et discrètement le deuil de leur grande amitié, qui durait depuis deux Deauville, deux Chamonites et trois Riviera. La plus faible, la plus impertinente et la plus légère, Jeannine, changea de dancing, inventa à Belleville un nouveau petit thé bistrot où elle emmenait ses amis à 3 heures de l'après-midi, puis à 1 heure de l'après-minuit, mangeait de la salade de pommes de terre et cette étrange poisson, leur fille, cotée sur le marché aux puces, décriée dans les poissonneries aristocratiques parce qu'il a l'arête vert de jade. André, sans Jeannine, retourna à ses goûts agrestes, avança 1 heure sa promenade au bois et son canotage sur le lac. Jeannine pensait « J'étourdis mon chagrin !» Et André, sur ses talons plats, le passe-montagne au cou et les mains dans les poches, répétait « Qu'on ne me parle plus d'amis intimes, hommes ou femmes, je redeviens la nymphe farouche des futaies inexplorées. » Au fond d'elles-mêmes, elles acceptaient avec un étonnement naïf leur indifférence pareille et la facilité, la bénignité prodigieuse de leur rupture. Le printemps ramena Jeannine vers les restaurants du bois. Mais la vie grelottante, en cape de crêpe blanc, dansant pour se réchauffer à 11 heures du soir, sur un parquet blanchi de lune électrique, entre les tables et les arbres neufs, clapotant au vent glacial. Elle traversa le bois chaque fois qu'une journée de course l'autorisa à parader sous un petit soleil menteur, vêtue de gaz d'hiver, puis de fourrure d'été. Mais ni de nuit ni de jour, ce bois ne lui rappelait la nymphe, son amie. Car le bois du matin et des piétons ne ressemble pas au bois des autos et du soir. Il arriva pourtant qu'elle parcourut à pied, seule, à l'heure indue de minuit moins le quart, un des longs sentiers qui s'en vont de l'entre-deux-lacs à la cascade. Elle marchait vite, car sa nouvelle amie intime, sportive, venait de lui préférer une partie de tennis. Et Jeannine, de dépit, avait refusé la voiture. Elle marchait sans plaisir, n'écoutait pas les rossignols, ni les merles et les loriots qui cherchaient à imiter les rossignols. Les acacias, défleurissants, neigeaient en vain sur les pas de Jeannine, dont le nez, charmant et bref, impérieux comme le bec du martinet, se fermait à leur parfum de beignets vanillés et de fleurs d'orange. Un coup de sifflet l'arrêta, et elle sut pourquoi elle s'était arrêtée, en entendant sous bois le cri « Les petits chiens, petits chiens, petits chiens !» Une bergère malinoise parut, juste le temps de laisser voir ses yeux d'ours, sa queue basse et épaisse de louve. Un bulldog l'a suivi, renaclant comme un vieux taxi, blanc, monoclé d'une lunette noire. Puis un griffon, frénétique, jaune et hérissé comme un bouchon de paille. « Mick, relapse, joli blond !» conta Jeannine. Derrière les chiens, André traversa le sentier et ne vit pas Jeannine, qui reconnut le costume imperméable, couleur de châtaigne, les bottes noueuses à talons plats, l'écharpe de laine rousse et le fouet à gros manches tressées. « Les petits chiens, petits chiens, petits chiens !» L'appel décrut. Un des chiens, au loin, donna de la voix. Jeannine, immobile, tremblait. Elle espéra encore le cri familier, n'entendit plus rien, et se remit en route mollement, hésitante, avec un visage pâli et des yeux qui ravalaient de larmes obstinées. « Je me demande, vrai, je me demande ce qui m'a prise, je me le demande !» Car rien, dans son cœur, ne bondissait vers André. Elle imaginait paisiblement son parfum, un peu harem, et sa main virile dans le gros gant. Mais au fond d'elle-même, une jalouse tendresse, un regret, cuisant comme une peine d'enfant, exigeait les trois chiens ardents à la promenade, le plaisir de les nommer par leur nom, le droit de marquer, sur l'allée humide, deux talons pointus, près de deux talons bas caoutchoutés, le privilège de jeter à la brume du lac, à l'ombrelle épanouie des sureaux, à la branche chargée de mésanges, des phrases insignifiantes, qui ne valaient que par l'heure, la tradition niaise et douce, la sécurité de les redire le lendemain. La solitude la rendit faible. Elle se laissa aller à gémir tout bas en marchant, à balbutier d'une manière puérile. « Je voudrais les chiens, je voudrais le matin, je voudrais me lever de bonne heure, je voudrais le lait chaud avec du rhum dans la buvette près du lac, le jour où il pleuvait tant, je voudrais... » Elle se retourna, attendit qu'un caprice d'André ou des chiens ramena sur l'allée l'image d'un temps désormais inaccessible et trouva, sans la chercher, la formule de son souhait, l'expression de sa détresse. « Je voudrais l'année dernière !» Fin de la section 22. Fin de La femme cachée par Colette.